commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book. Enchanté, je suis ravie de vous recevoir parce que donc j'ai découvert votre BD à l'occasion du salon du 1er mai à Arras. On m'a demandé de vous interviewer et ça a été une belle et grande découverte en fait. Donc c'est Hanbok. Hanbok. Ouais, c'est ça. Hanbok. Qui est sorti à l'Apocalypse donc récemment. Ouais. Fin janvier. C'est l'année 2023. Il n'y a pas longtemps. Mais c'est une BD sur laquelle vous travaillez depuis très longtemps. Oui, je l'ai commencé en 2005, enfin, fin 2004, 2005, après le voyage que je raconte, donc que j'ai fait en août 2004. Et en rentrant en France, j'ai commencé à travailler dessus et j'ai commencé à la Maison des auteurs à Angoulême. C'est ça, vous aviez une résidence? Oui. Cette résidence, c'était un projet que vous avez envie de mener, la bande dessinée, c'est toujours quelque chose qui vous avait attiré? Alors oui, à l'époque j'habitais Angoulême, j'y avais été pour faire mes études aux Beaux-Arts, enfin, l'école de l'image maintenant, l'école supérieure de l'image, avec sa section bande dessinée. Donc après mes études, je suis restée vivre à Angoulême, parce que c'était facile à vivre là-bas pour les étudiants, et puis le cadre est vraiment très sympa. Et donc je suis sortie de l'école en 2001, et en 2003, ma sœur... après, je ne resitue pas le contexte, mais ma sœur, une de mes sœurs, a retrouvé notre famille biologique en Corée. Et donc, en 2004, on est partis en Corée toutes les deux. Voilà, c'est le point de départ de cette bande dessinée, voilà, qui est donc autobiographique, oui, on peut dire. Complètement. Et donc, c'est votre histoire et celle de vos sœurs. Donc, au départ, vous êtes quatre sœurs. Alors, Alors, mes parents adoptifs, au tout départ, ils avaient adopté Stéphanie, qui est née en France, mais elle, c'est encore une autre histoire. J'en parle un peu dans le livre. Stéphanie est arrivée avant nous, et 4 ans après, ils nous ont adopté, donc toutes les quatre petites filles de Corée et des sœurs de la même famille. Donc on est passé, voilà. Non, en fait, on est venu à eux. C'est pas grave. Non, c'est vrai. Des fois, ça arrive. Il y a C'est la photo. Des parents, oui. Ouais, c'est la photo que vous dessinez. Oui, à l'aéroport. À l'aéroport, ouais, c'est ça. À Roissy. Puisque votre ouvrage, vous alternez les passages où vous racontez la correspondance que vous avez avec une amie coréenne et les archives que vous retrouvez et que vous dessinez, donc les photos. Ouais. Et cette première photo, donc, vous arrivez toutes les quatre à l'aéroport et vous êtes vêtues de ce fameux hanbok. Oui, alors, j'ai cru que c'était la photo de l'aéroport, mais la première image de la BD et la couverture, du coup, c'est quand on arrive dans notre maison, donc à Limoges à l'époque, on venait directement de l'aéroport, mais on avait fait le voyage en avion. Mes parents étaient venus nous chercher avec Stéphanie, et puis après, on est rentré à Limoges en voiture. Et pour les associations, je ne sais plus si c'est pour l'association coréenne ou une autre à Limoges, il fallait faire une photo un peu officielle. Et vu qu'on avait nos tenues traditionnelles coréennes, donc les fameux hanbok, avec nous, ben on les a mis. Et puis voilà, c'était la photo de notre arrivée. Mais il y a plein d'autres photos aussi. Mais c'est vrai que celle-là, elle est un peu symbolique parce qu'on a nos costumes traditionnels coréens. Donc voilà. C'est donc 2004, vous partez en Corée. Ouais. 2005, vous entrez en résidence à Angoulême. Voilà. Pendant 2 ans, c'est bien ça. Ouais. Et lors de vos voyages en Corée, vous avez pu rencontrer aussi un éditeur sur Corée. Oui, alors... Vous avez fait une résidence également? À peu près, enfin, ouais, c'est... En fait, cette maison d'édition coréenne, je les avais rencontrés au festival de la BD d'Angoulême, donc avant le voyage, sachant que j'allais aller en Corée, On s'est donné rendez-vous en Corée, donc en août. L'août qui venait. Et donc on se connaissait un peu déjà, mais il se trouve que l'éditeur a rencontré aussi la famille biologique, enfin la mère biologique, et ça c'était complètement inattendu, enfin c'était pas prévu. Un peu comme plein d'autres choses, en fait on peut prévoir des choses. Ça fait partie des rencontres qui font partie du parcours de Handbook, de votre livre, qui font qu'il est jalonné de plein de choses et qu'il est mis autant de temps à venir au monde tout simplement. En fait ça c'est plutôt la question du temps que j'ai pris pour le faire et pour aller jusqu'au bout du livre. C'est une autre, c'est autre chose. Les éditeurs, c'est plus pendant le voyage en Corée. Et puis après, c'est vrai que ils sont revenus en France. Et puis on a continué à échanger, et puis à être amis. Mais les raisons pour lesquelles ça a pris du temps, en fait, je saurais pas dire précisément ce que c'est, puisque en fait, c'est vraiment très long. J'ai mis 18 ans à le faire. Et pendant toutes ces années, il y a eu beaucoup de moments où je travaillais pas dessus, je n'ai pas travaillé sur cette BD en continu. Mais c'est vrai que j'ai repris récemment, donc il y a l'année dernière. Et justement, je me posais la question, comment ça se fait? Bon, il y a aussi le fait que il s'est passé des choses, enfin, il y a une certaine maturité, on peut dire ça comme ça. Mais c'est aussi parce que dans ce livre, il y a des passages en coréen, il y a des bulles qui sont écrites en coréen, et j'avais besoin de l'aide de coréens, enfin de vrais coréens, pour traduire ces bulles. Et donc j'ai demandé à une amie, donc Yoon Sun Park, qui est autrice de BD aussi, quand je lui ai demandé, elle, tout de suite, elle a traduit, et du coup j'ai repris mes pages. Et du coup, j'ai repris le projet et les choses se sont enchaînées comme ça, parce que par la suite, j'ai rencontré aussi mon éditeur. Enfin, je le connaissais parce qu'il est assez connu dans ce milieu de bande dessinée indépendante, vu que, en fait, Jean-Christophe Menu, il est un des fondateurs de l'association qui... après, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vrai qu'il a un peu découvert Marjane Satrapi, qui, elle, est devenue très connue après. Donc, c'est par des rencontres comme ça et que le projet a pu aboutir. Il a adhéré tout de suite au projet déjà. Alors, c'est votre parcours? Pas vraiment, en fait c'est par les réseaux sociaux, malheureusement et heureusement, en fait qu'il a vu des extraits, parce que quand j'ai repris mes pages avec le texte en coréen, je les ai postés sur Facebook, Instagram. Et puis ça m'a relancé un peu, donc j'ai continué à poster des extraits des pages, parce que j'en avais vraiment beaucoup déjà faites. Et lui, il a pris connaissance de ce projet comme ça. Et après, il m'a contacté, et puis on a échangé. On s'est bien trouvé, puisque lui reprenait sa maison d'édition L'Apocalypse, qu'il avait créée 10 ans auparavant. Et vu qu'il avait arrêté, qu'il voulait reprendre, il cherchait aussi un projet qui correspondait à ce qui lui plaisait. Et moi, ça tombait très bien, parce qu'on reprenait chacun un projet, on reprenait chacun notre projet. Il est aussi auteur, donc il est connu aussi pour ça. Et je pense que ça aussi, ça m'a poussé à travailler avec lui. Parce qu'il m'a proposé des solutions graphiques ou... Il vous a vraiment accompagné, ça a été un travail vraiment en collaboration. En fait, j'avais fait beaucoup de pages et je savais ce que je voulais faire et vers où ça allait. Mais je pense que son regard d'auteur m'a aidé pour certaines choses, comme par exemple cet échange avec cette amie coréenne. Des choses très concrètes de mise en page, il m'a vraiment donné des solutions qui m'ont fait avancer, parce que ça restait un peu... C'était gênant en fait dans le récit. Et peut-être que ça gêne pour certaines personnes pour la lecture, mais je voulais voulais vraiment que ces cartes postales soient présentes dans le voyage, parce que ça apporte vraiment beaucoup d'informations. Oui, c'est vrai que du coup, on se rend bien compte qu'il y a une chronologie complexe à reconstituer de manière en tout cas très linéaire, et puis ça ne rendrait sans doute pas service au récit. C'est votre histoire qui est évidemment complexe, la vôtre, qui est très riche et très belle. Et ce point de départ que vous choisissez, c'est donc l'échange épistolaire avec, je vais peut-être mal le prononcer, mais c'est Chuyon, c'est ça? En fait, même quand j'écris Chuyon, mais elle, en fait, c'est plus Jouyon. Mais bon, après moi c'est pareil, je prononce pas forcément bien malgré quelques cours de coréen. C'était nécessaire d'avoir cette amie, de la mettre en première ligne, en première page, en première case, pour vous aider à débuter ce récit. Bah, en fait, elle a participé aussi à l'élaboration du livre sans le vouloir, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé donc mon projet à la Maison des Auteurs, je savais ce que je voulais raconter, le voyage, mon histoire, la famille, les retrouvailles avec la famille biologique, mais je cherchais une forme, enfin un format. Et en fait, avec Chuyon, que j'avais rencontré donc en même temps que les éditeurs ces comics, les éditeurs coréens, on a vraiment vu qu'elle dessinait aussi, et on avait beaucoup de choses à se raconter sur nos origines communes, et puis sur le fait qu'on soit déracinés et qu'on vive toutes les deux en France. On avait beaucoup de choses à se dire, et on s'était dit on va s'échanger des cartes postales. Elle habitait à Poitiers à l'époque, et bon, il y avait déjà internet, mais on trouvait ça plus sympa, je sais pas, plus voilà. Et en fait, en faisant ces cartes postales, je me suis rendu compte que je racontais des choses qui étaient utiles à l'élaboration de mon projet de retour aux origines en Corée, puisque c'était le même thème, donc ça apportait des informations, mais de manière plus chaleureuse, je trouve, puisque avec une amie, on va... Vous aviez un retour, un échange, ouais, voilà, par rapport à ça. Et vous aviez commencé à apprendre le coréen lors de votre voyage en Corée. Est-ce qu'aujourd'hui, Vous en avez gardé des souvenirs? Alors, vous avez continué à pratiquer un peu? En fait, j'ai vraiment pris des cours de coréen récemment. C'était en 2018. J'ai pris des cours de coréen au Centre culturel coréen de Paris pendant 3 ans. Mais avant ça, donc à l'époque du voyage, et puis même après, quand j'y suis retournée en 2008, j'avais pas vraiment... j'avais pas pris de cours, enfin, ou juste un peu comme ça, avec Yoon-Sun Park. Mais ça m'a... Ça suffit pas, en fait. Je parle pas. Je parle pas coréen. La découverte de cette culture dont vous êtes originaire, ça représentait quoi pour vous? Est-ce que ça a été un choc, ou est-ce qu'il y a vous êtes reconnu en partie de cette famille de... Oui, je me suis reconnue forcément physiquement. Forcément, il y avait une familiarité. Mais dans la famille biologique, bien sûr, des traits de ressemblance, mais avec les Coréens, avec tous les Coréens, je peux pas dire ça, c'est plus quand je suis arrivée là-bas, c'était le fait d'être. Je le raconte dans le livre, c'est vrai que c'est la première chose qui me saute aux yeux, c'est tous ces Coréens partout, mais c'est normal puisque je suis en Corée. Mais c'est vrai que moi aussi je suis coréenne à la base. Et il y a un petit décalage. Il y avait un décalage avec mon regard de française et ma mentalité de française. Et c'est ça que j'essaye aussi de raconter. C'est que j'ai ce côté-là, moi j'y franchouillard parce que j'étais vraiment. Je râlais un peu, puis en plus je voyageais pas beaucoup, j'avais jamais été aussi loin. Et c'est pour ça que je me laissais guider par ma sœur qui, elle, avait été en Corée plusieurs fois, puis qui voyageait plus déjà à l'époque. Et c'était un choc, ouais, c'était un choc. Mais plutôt positif. Ça vous a recentré, vous êtes Ouais. Retrouver vos racines un petit peu, ça vous a permis de revenir en France avec de nouvelles choses. En fait, je pense que tous les déracinés, je pense que, enfin, on peut se reconnaître dans ce pays, dans plein de choses, la nourriture, enfin, mais il y a aussi ce décalage. Enfin, on se rend compte que, ben non, on n'est pas coréen, on est français parce qu'on a cette culture française. Et moi, personnellement, ça m'a confortée dans cette idée-là. Que je suis française et puis que je suis pas si mal comme ça en fait, que finalement ça permet peut-être de s'accepter plus tel qu'on est. Oui, il y a beaucoup d'humour dans ce récit, il y a beaucoup de tendresse, c'est vrai que vous faites preuve d'une grande indulgence envers vous-même, envers les gens qui vous entourent, une distance aussi. Est-ce que le dessin permet ça aussi, de cette distance pour rester justement bienveillant, pour ne pas juger trop? En fait, oui, je pense que de l'écrire et de le dessiner, ça permet de déjà de prendre du recul, mais aussi en le faisant, moi ce que je voulais, c'était justement montrer que je voulais pas juger, enfin, par rapport à cette histoire, notre histoire de famille et par rapport à notre famille biologique, je voulais pas être dans l'accusation, parce que c'est vrai que on pourrait, enfin ça serait légitime, mais encore je pense que c'est nécessaire de comprendre un peu aussi le contexte du pays, de l'époque, et je pense que c'est bien de chercher un peu, de connaître, enfin savoir un peu dans quoi ils ont vécu et qu'est-ce qui aurait pu les amener à faire ça ou ne pas faire ça. Et avec la mère biologique aussi. Même si je ne saurais jamais, on ne saura jamais vraiment exactement, je pense qu'on peut se donner les moyens de retrouver des indices pour essayer de recréer cet environnement et ce contexte, et qui permet aussi d'accepter plus les faits qui sont durs, parce qu'un abandon c'est dur, et puis les violences, ça c'est ce que racontent mes sœurs qui ont des souvenirs, et donc c'est les violences familiales, les violences sur la mère, et c'est des choses qui sont vraiment... ça explique en partie pourquoi elle est partie, ça explique un peu tout. Mais pour comprendre ces violences aussi, il faut comprendre la mentalité coréenne à l'époque et même encore aujourd'hui. Il faut comprendre, essayer au moins de comprendre et d'avoir ces indices-là pour recréer cette époque. Et vous choisissez donc le noir et blanc. Dès le départ, c'est une technique que vous pratiquez dès que vous avez commencé à faire du dessin. C'était un choix naturel. Oui. Vous avez testé d'autres techniques avant? Oui, j'aime la couleur aussi, mais pour raconter mon histoire, c'est vrai que, même avant de commencer cette histoire, ou les petites BD que j'ai pu faire dans des collectifs ou pour mes fanzines, c'est vrai que le noir et blanc, peut-être il y a un côté pratique, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités qui sont vraiment infinies, donc... Pour moi, c'était déjà pas mal. C'est à l'encre. C'est à l'encre, ouais. Et la plume. C'est très simple, en fait. C'est un dispositif très simple qui permet de raconter beaucoup. En tout cas, pour moi. Je pense que si j'avais eu besoin de mettre une couleur, enfin, je l'aurais fait. Il y a quelque chose de très physique, peut-être, dans le choix des outils. Oui, peut-être ça vous permet effectivement de moduler votre dessin en fonction des situations et des scènes. On parlait tout à l'heure des photos, des arbres de famille qui réapparaissaient souvent dans le récit. Et alors que par ailleurs, il y a un trait plutôt minimaliste dans le reste de la BD, à ces moments-là, surtout de dessin des visages, de votre famille, de la mère biologique, comme vous l'appelez, du père biologique. Là, un souci du détail et une finesse de trait qui tranche avec le reste du récit. Est-ce que c'est une manière de leur rendre hommage aussi, peut-être? En fait, je pense pas que c'est pour leur rendre hommage, c'est plus pour moi, c'est très égoïste. quand j'ai fait ces dessins, c'était plus parce que je m'appuyais sur des photos et que pour moi la ressemblance était vraiment importante. Et enfin, ce que je dis quand on me demande, c'est vrai que c'est une manière de me réapproprier aussi ces visages-là, ces traits qui m'ont créé, enfin qui, et aussi pour retrouver, peut-être pour relier un peu, pour nous relier entre nous, mes sœurs et mes parents et moi-même. Mais je pense que c'est peut-être plus des contraintes techniques, peut-être plus. Et puis aussi la nécessité à tel moment du récit de s'arrêter sur un visage qui a une espèce de sidération, peut-être. Il y avait cet effet-là que j'ai recherché, peut-être. Inconsciemment, c'est vrai que c'est pas une science exacte, tout ça. C'est ça qui est bien aussi. Et ce qu'il y a, c'est que ça fait un effet vraiment contraste avec le dessin qui est utilisé pour la couverture et donc on retrouve sur une des premières photos du livre où on a les cinq petites filles qui, là, c'est pas le visage est creux, ouais. Et c'est en blanc. Ouais, bah ça c'est. Je vois. Bah oui, parce que en fait. Oui. Alors ça c'est. Chacun il voit ce qu'il veut et j'aime bien cette idée. En fait, pour moi c'était pas nécessaire parce que je trouve que tout le reste dit beaucoup de choses déjà. Pourquoi on voit que c'est des petites filles, pourquoi ces tenues-là, et pourquoi aussi Stéphanie, donc ma sœur qui est née en France, elle n'a pas la même robe, pourquoi parce que dans la photo on vient d'arriver et il y a un petit texte aussi qui explique, qui dit qu'on vient d'arriver à Limoges et qu'on vient de visiter la maison et que pour moi c'était pas nécessaire de surcharger. De ces informations-là, des expressions du visage, parce que c'était pas nécessaire, enfin c'était pas le propos, c'était pas. Mais en vérité aussi, c'était. Parce qu'en fait, peut-être il faut savoir s'arrêter. Je pense qu'il y a de ça. Parce que ça revient après. Et c'est un. C'est comme un tic graphique. Qui en fait, ben c'est ce qui est bien dans la bande dessinée, c'est qu'on peut se permettre ce genre de ben, fantaisie entre guillemets, mais qui questionne et qui font qu'on s'arrête aussi sur à certains moments. Et je trouve que c'est pas mal de rythmer son récit tout en laissant aussi la place au lecteur pouvoir se poser des questions peut-être. C'est tout à fait l'effet que ça produit. En tout cas, c'est vrai qu'il y a le récit à l'image de votre histoire est complexe et il est laissé tel quel complexe et à nous, lecteurs, de vous suivre avec plaisir dans toute cette histoire, avec la virtuosité dont vous faites prendre vos dessins. Merci. Ben, en fait, oui, il y a cette idée de ne pas simplifier et de ne pas résumer. Parce que justement, c'est jamais simple. Enfin, y a confiance au lecteur. Voilà, il y a tellement d'éléments. Pour moi qui compte, il y a tous ces petits détails qui peuvent sembler futiles. Pour moi, ils sont très importants en fait, parce que c'est ça qui comme dans une recette de cuisine, c'est important de mettre une touche de sel ou de je sais pas quoi, d'épices. Et sans ça, ça change tout. Donc j'ai essayé au maximum de garder ce côté-là, cet aspect. Pas complexe, mais ce qui n'est pas si complexe finalement, mais je pense qu'une histoire elle est faite de rencontres diverses et ça donne une épaisseur et il y a plusieurs époques aussi parce que quand on est dans quelque chose comme ça qui nous touche beaucoup, on a envie de le retranscrire de manière la plus juste de ce qu'on ressent et ce qu'on ressent c'est pas si simple. Donc ça peut être très drôle et c'est aussi ça peut être très triste, ça peut être plein d'autres choses, hein, toutes les nuances possibles. Et à quelques mois maintenant de la sortie du livre, après une réception qui est plutôt bonne, oui. De manière générale, hein, on a une très bonne écho de la part des lecteurs. Et après, presque ben, 18 ans, c'est ça 18 ans, ouais. Travail. Ouais, oui. Quelles sont les émotions là qui vous... Alors, en ce moment, je pense au tome 2, mais c'est une suite, mais qui n'est pas... Enfin, vu que c'est de l'autobiographie, c'est pas vraiment une suite, parce que Hanbok, comme ça, il peut se lire tout seul. Mais en ce moment, je pense plutôt à la suite. Donc, je suis contente, parce que bien sûr, oui, c'est super que les retours que j'ai sont vraiment très, très touchants aussi. Les rencontres avec les lecteurs aussi, vraiment... génial, mais c'est vrai que là j'essaye de me remettre au travail et c'est surtout ça. Bon, et ben on espère vous voir très bientôt. Alors ce sera peut-être pas le tome 2, mais ce sera une suite de votre ouais, histoire en tout cas. Voilà, et de votre, ça comme ça. Merci beaucoup, Sophie. Merci.